Chapitre 8. Histoire militaire. L'auteur des Essais sur Concarneau place, nous l'avons vu, à l'année 692, la fondation de Conques par Concord. Il est tout naturel qu'il commence à cette date l'histoire militaire de la ville. Il enregistre 5 sièges avant celui de 1373 que nous avons signalé plus haut. Dès 693, c'est Gralon II, cousin et adversaire malheureux de Concord, qui vient, mais inutilement, assiéger Conques. 11 ans plus tard, 704, c'est Daniel, fils et successeur de Gralon, qui assiège Conques, mais sans plus de succès que son père. En 747, viennent les Normands qui sont repoussés. En 799, Conques est pris pour la première fois par les Français. Ils en restent maîtres pendant 10 ans, mais enfin les princes bretons les chassent, 809. Conques est, à ce qu'il paraît, en paix pendant 4 siècles et demi. En 1240, Hervé, comte de Léon, en guerre avec le duc de Bretagne, l'assiège, mais en vain. Il est bien vrai qu'en 1240, Hervé III, vicomte et non comte de Léon, était en guerre avec le duc Jean Ier, dit le Roux. Cette année même, les Léonais, dit un chroniqueur, brûlèrent le château de Quimperlé. Ces Léonais ne partaient assurément pas du Léon. Ils avaient seulement passé la rivière d'Ailé qui séparait la ville du fief de Kemenet-et-Bois, appartenant au vicomte. Mais le chroniqueur ne dit rien de Conques. Du reste, Hervé III mourut presque aussitôt. Son fils n'était pas disposé à continuer la guerre. Le duc Jean le Roux, le plus grand manieur d'argent de son temps, au lieu de conquérir la paix, aima mieux la faire acheter, et très cher. Le prix, débattu pendant 19 ans, fut enfin en septembre 1260, fixé à 10 000 livres, plus de 1 000 000 de notre monnaie. Ainsi, ce siège de Concarneau n'est pas historique. L'histoire militaire de la place ne commence que 110 ans plus tard, au milieu des guerres de la succession de Bretagne. Premièrement, 14e siècle. En 1355, Concarneau est nommé parmi les places de guerre de Bretagne. Mais, ne dira-t-on pas, nous avons lu plus haut que dès le 13e siècle, une ceinture murale avait pu remplacer le château à Motte. Au milieu de ce siècle, Conques, devenue ville avec église et cour de justice, était peuplée de bourgeois, de gens de négoce et pêcheurs y vivant en sécurité. En 1355, la guerre sévit depuis 14 ans en Bretagne. Comment les murs de Conques n'auraient-ils pas vu l'ennemi? À cette question, voilà tout ce que nous pouvons répondre. En 1341, le comte de Montfort, sans attendre le jugement des pairs, quitte Paris en hâte et vient fonder son parti en Bretagne. Proclamé à Nantes, il fait le tour du duché, se faisant reconnaître, sans beaucoup de peine, dans 19 places, surtout dans les places ducales, comme était Conques. De Quimperlé, il passe à Quimper, Conques est presque sur sa route, et pourtant il n'y va pas. 4 ans plus tard, Charles de Blois assiège Quimper, dont il s'empare. Aussitôt, il se dirige vers le comté de Nantes. En route, il passe, on peut le dire, en vue de Concarneau. Il n'y vient pas. Note. Il suivait la grande voie romaine. À Loc Maria Anhent, il était à 6 kilomètres de Concarneau. Fin de note. 10 ans après, en 1355, le roi d'Angleterre remplace Thomas de Hollande, son lieutenant en Bretagne, par le duc de Lancastre. Il ordonne au capitaine d'une 20aine de places de les remettre au nouveau lieutenant. Concarneau est une de ces places. De cette date à 1364, bataille d'Auray, aucune mention de Concarneau. Après la victoire d'Auray, Jean de Montfort vient assiéger Quimper et en obtient non sans peine une capitulation. On ne le voit pas venir à Concarneau. Que conclure de ces faits? Voici ce qui nous semble vraisemblable. C'est que Conques se déclara pour le comte de Montfort lors de sa chevauchée de 1341. Que cette place fut confiée aux Anglais dès leur entrée en Bretagne en 1342. Et qu'elle resta en leur pouvoir jusqu'après le traité de Guérande, 1365. 8 ans après, la place nous apparaît ceinte de murailles capables de résister à 2 assauts de l'armée française commandée par Duguesclin. Et nous nous demandons, est-ce depuis la paix, entre 1365 et 1373, que ces murs ont été construits et par le duc Jean IV? Quelle apparence! C'eût été une lourde dépense pour lui, débiteur de grosses sommes au roi d'Angleterre. Et contre quel ennemi eût-il en ce moment prémuni la place? La paix avec la France ne sera troublée, et par lui-même, qu'en 1373. Selon nous, si aucune entreprise armée n'a été tentée contre Conques par les adversaires des Montfort de 1341 à 1364, notamment par Charles de Blois en 1345, c'est que la place était fortifiée avant le commencement des guerres. Et j'ajoute, fortifiée de telle sorte que les ennemis des Montfort n'avaient pas l'espoir d'en venir à bout. La résistance de la place à l'armée française, plus nombreuse que ne fut jamais celle de Charles de Blois, autorise cette supposition. Que l'on rapproche ces faits des indications données plus haut et rappelées à la page précédente, peut-être sera-t-on induit à penser avec nous que l'enceinte fortifiée de Conques fut antérieure à la guerre de la Succession. Jean IV, 1365-1399. Le 21 février 1372, le duc Jean IV écrivait deux lettres, l'une au roi Charles V, lui demandant ses plaisirs et volontés pour les accomplir, l'autre à son seigneur et père le roi d'Angleterre pour lui promettre son service envers et contre tous. Le 19 juillet suivant, le duc signait une alliance offensive et défensive avec l'Angleterre. Au mois de septembre, un corps anglais débarquait à Saint-Mathieu, et en mars 1373, une troupe de 4000 Anglais entrait à Saint-Malo. C'en est trop, la Bretagne entière se soulève, et le roi, écoutant enfin l'appel des Bretons, ordonne à Duguesclin d'entrer en Bretagne avec le duc de Bourbon. Jean IV, vaincu avant le combat, se voyant abandonné par tous, se retire presque seul à Concarneau, selon les uns, à Brest, selon les autres, et s'embarque pour l'Angleterre, laissant aux garnisons anglaises le soin de défendre les places qu'il leur a confiées. 28 avril 1373. Duguesclin, auquel se sont joints Olivier de Clisson, le vicomte de Rohan, le sire de Beaumanoir, fait le tour de la Bretagne, reçu avec acclamation dans certaines places, obtenant la capitulation des autres. Le duc a gratifié de la châtellenie de Concarneau un Anglais, Raoul Knolles, déjà maître des seigneuries de Rouget et de Derval, et la place est occupée par une garnison anglaise. Duguesclin l'assiège, le temps presse car une flotte anglaise tient la mer. Un premier assaut est donné, le flux qui survient contraint les assiégeants à la retraite. Au moment du reflux, l'assaut recommence. Le connétable lui-même combat au premier rang, mais le flux vient encore au secours des assiégés. Enfin, la troisième attaque réussit, et les Anglais sont passés par les armes, sauf leur capitaine qui obtint quartier. Cela fait, Duguesclin se hâte à marche forcée avec tout son monde vers Saint-Malo, mais les Anglais ne l'ont pas attendu. Aussitôt, Duguesclin et le duc de Bourbon, montant des navires malouins, attaquent comme par défi Jersey et Guernesey, prennent les châteaux de ces deux îles, y laissent garnison et viennent en Bretagne assiéger les quelques places restant encore aux mains des Anglais. On lit, dans un ouvrage réputé classique, peu après, les Anglais reprirent Concarneau, et le vicomte de Rohan le réduisit à l'obéissance du roi Charles VIII. C'est dire que Concarneau fut pendant un long siècle aux mains des Anglais. La vérité est que, chassés par Duguesclin, les Anglais n'ont pas remis le pied dans Concarneau. Ce n'est pas aux Anglais, c'est aux Bretons fidèles à la duchesse Anne, que le vicomte de Rohan, rebelle, enleva Concarneau au profit du roi Charles VIII, février 1489. Nous verrons cela plus loin. Mais auparavant, nous devons nous expliquer sur un siège de Concarneau que l'auteur des essais mentionne en l'année 1379. Il écrit « Les Espagnols parcoururent avec leur flotte les côtes de Bretagne et vinrent mouiller devant Concarneau qu'ils comptaient surprendre. » En note, l'auteur signale le silence de Dom Maurice sur ce point et il ajoute « Cependant, une personne de considération m'a communiqué un ancien manuscrit très authentique qui parle de la descente des Espagnols en Cornouailles en 1379 et de leur tentative sur Concarneau. Ils avaient établi le siège sur une élévation de terre à l'entrée de la rivière de Moreau. J'ai vu moi-même, en 1779, des vestiges de cet ouvrage que les anciens habitants nomment encore le fort des Espagnols. Ainsi, les preuves de ce fait de guerre, omis par Dom Maurice, ce serait le dire d'un auteur qui n'est pas nommé, et les vestiges du camp espagnol de 1379 subsistant encore après juste 4 siècles. Voici les faits qui ont donné lieu à ce récit erroné. Le 18 décembre 1378, Charles V, démentant une fois son surnom de sage, avait fait prononcer la Bretagne sans maître et réunie au royaume. Cet arrêt du Parlement, contraire au droit, ramène toute la Bretagne à Jean IV. Le duc, rappelé par ceux qui l'avaient chassé en 1373, débarque à l'entrée de la Rance le 3 août 1379. Du Guesclin avait accepté du roi l'ordre de conquérir le duché en exécution de l'arrêt. Dans cette expédition, le connétable ne voyait qu'un épisode de la guerre aux Anglais, maître de tant de place en Bretagne. Mais les Bretons y virent la mainmise de la France sur le duché. Les amis et les proches du connétable se détournent de lui comme d'un traître, et Du Guesclin, au lieu de faire la guerre, prépare un accommodement. Grâce à lui, ses amis les ducs d'Anjou et de Bourbon, frères et cousins du roi, s'arrêtent à Pontorson sans passer le Couesnon. Et le 22 mai 1380, le roi nomme des commissaires pour régler les conditions de la paix. Note, c'est à ce moment que Du Guesclin, accusé de trahir la France, mais défendu par les ducs d'Anjou et de Bourbon, renvoie au roi l'épée de connétable. Charles V l'appelle et le supplie de la reprendre. Du Guesclin se rend aux instances du roi, mais à une condition, c'est qu'il ne servira plus en Bretagne. Il part pour le Languedoc, où il meurt, 13 juillet 1380, de maladie ou de chagrin, léguant son cœur à la Bretagne. À l'inauguration de la statue du connétable à Dinan, un orateur a représenté Du Guesclin comme le Breton par excellence. Puis il a dit « Il obéissait au roi partout et toujours, il a obéi jusqu'au sacrifice de ses sentiments les plus profonds, jusqu'à étouffer le Breton en lui à cette pensée royale, grandiose et prudente, où s'élaborait l'unité française. » Contradiction, comment a-t-il été le Breton par excellence s'il a étouffé le Breton en lui ? Fin de note. Mais le 4 février 1380, au moment où il préparait la guerre contre la Bretagne, Charles V avait conclu un traité d'alliance avec le roi de Castille. Par cet acte, celui-ci s'engageait à envoyer sur les côtes bretonnes 20 galères chargées de 800 ou même 1200 hommes. En juin 1380, la flotte espagnole se montra à l'entrée de la Loire. Elle tenta un débarquement à Saint-Nazaire, puis devant Guérande, enfin à Ruys. Mais les Espagnols, vigoureusement repoussés sur les trois points, reprirent la haute mer et disparurent. Concarneau ne les vit pas. Des travaux de siège faits en 1380 auraient-ils pu être apparents en 1779 ? Si le nom de fort des Espagnols a été donné à un point voisin de Concarneau, il doit rappeler le souvenir d'un fait bien postérieur que nous ne trouverons pas. Mais le plan de 1764 nomme ce même lieu fort des Anglais, et nous verrons ce nom justifié par un fait de guerre postérieur de 100 années à 1380. Nous avons dit que Concarneau, repris aux Anglais en 1373, ne retomba plus en leurs mains. Voici des preuves de ce fait. C'est d'abord une ordonnance rendue par Clisson au nom du roi, le 6 octobre 1379, relative à une montre de gendarme adressée à Jean du Juche, chevalier pour la garde de la ville les châteaux de Conques. Plus d'un an après, Concarneau est encore aux mains du roi. La place est une des villes du domaine ducal que le connétable Clisson tient au nom du roi et que le roi s'engage à rendre à Jean IV par le second traité de Guérande, avril 1381. Le traité reçut aussitôt son exécution et le duc Jean IV y eut désormais des capitaines. Nous pouvons en nommer un postérieur de quelques années. Nicolas Bouchard et Jean, son fils, donnent obligation au duc, c'est-à-dire prêtent serment par écrit pour la capitainerie de Conques, 29 mai 1387. Quelques années plus tard, le capitaine est Jean de Saint-Allouarn, qui prête serment en juillet 1393 avec la caution de Jean le Barbu, chevalier. Depuis la paix heureusement conclue entre la France et la Bretagne, avril 1381, jusqu'à la mort du duc Jean IV, 1er novembre 1399, Concarneau n'a pas vu la guerre. En 1377, Édouard III était mort, laissant le trône à Richard II, son petit-fils. Pendant la minorité du jeune roi, et plus tard, pendant les orages qui allaient amener sa déposition, 1398, les hostilités entre l'Angleterre et la France furent comme assoupies. Il est vrai que la guerre civile sévissait en Bretagne entre Jean IV et Clisson, trois fois renouvelée en 8 années, mais elle n'approcha pas de Concarneau. Enfin, le 7 février 1395, le duc donnait l'ordre de publier la bonne paix conclue. Et Jean de Saint-Allouarn, toujours capitaine de Conques, s'empressait d'annoncer l'heureuse nouvelle. Mais la joie de la Bretagne fut courte, l'état de guerre persiste, la paix ne deviendra définitive qu'en octobre suivant, à la suite de l'acte devenu populaire sous le nom de Traité d'Hoquefer, 19 octobre 1395. Deuxièmement, 15e siècle. Jean V, 1399-1442, François Ier, 1450, Pierre II, 1457, Arthur III, 1458. Le règne de Jean V, couronné le 23 avril 1403, commence par quelques succès sur mer et une expédition sur la côte anglaise. Mais les représailles ne se font pas attendre. En novembre 1403, une flotte anglaise opère une descente au Conquet et une autre à Tréhoul-Trépin-Mor. Les paysans du voisinage, levés en tumulte, essaient de résister. Ils sont massacrés en grand nombre, et la ruine de Pinmar épouvante toute la Bretagne. Dans le cours du XIVe siècle, nous n'avons relevé qu'un seul siège de Concarneau. Dans la première moitié du XVe siècle, la place ne sera pas menacée et ses capitaines dormiront en paix. Mais dans la seconde partie du siècle, il en sera tout autrement. Le roi d'Angleterre, Henri IV, va régner jusqu'au 20 mars 1413. Les troubles intérieurs que suscite sa double usurpation et une lutte prolongée avec l'Écosse ne lui laisseront pas le loisir de poursuivre les hostilités contre la France. Mais quand il laissera le trône à son fils Henri V, la guerre va se rallumer par un coup de foudre. Azincourt, à la nouvelle du débarquement des Anglais à l'entrée de la Seine, 14 août 1415, le duc Jean V, se souvenant de Pinmar, assemble une armée de 10 000 hommes et se met en marche. Son frère Arthur sert dans l'armée française avec 500 chevaliers et écuyers. Il supplie qu'on attende les Bretons 2 jours. Le 27 octobre, ils auront rejoint l'armée. Mais les princes français ont repoussé le secours du duc de Bourgogne. Ils n'ont pas besoin du duc de Bretagne. Ne sauront-ils pas vaincre seuls? Leur folle et dédaigneuse forfanterie est punie le 25 octobre par un désastre qui renouvelle celui de Poitiers. Le duc Jean V rentre tristement en Bretagne, laissant son frère Arthur blessé et prisonnier des Anglais. Jean V a épousé Jeanne de France, fille de Charles VI. Cette vaillante Française aurait bien voulu déterminer son mari à s'armer pour la France. Mais non, la Bretagne a besoin de repos après tant de guerres. Aucun intérêt breton n'est engagé dans la lutte qui se poursuit entre ces deux puissants voisins. Le duc entend rester neutre. Mais ses sympathies sont à la France, et voici comme il entendra la neutralité. Il signe des traités de commerce avec l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il assure à ses sujets la liberté des mers. Mais il autorise son frère Arthur à ceindre l'épée de connétable et à recruter en Bretagne. Et le connétable use si bien de la permission que le duché se dégarnit d'hommes de guerre. Les Bretons sont sous la bannière française partout où l'on se bat, mais en même temps, Jean V interdit aux Bretons de servir dans l'armée anglaise. Les Anglais se plaignent, Jean V n'écoute pas leurs doléances, et il maintient cette neutralité jusqu'à sa mort, 28 août 1442. Voilà comment, pendant le règne de Jean V, Concarneau n'a pas d'histoire. Nous ne pouvons que rappeler le nom de ses capitaines. En 1404, nous trouvons là Hervé, sire de Juche, écuyer du duc. Le 7 juin, le duc lui donne mandement pour le défroi de lui et de plusieurs gentilshommes qu'il a tenus et doit tenir à la garde des Chastels et villes de Conques. L'année suivante, 1405, la capitainerie est aux mains de Jean du Juche, qui un an plus tard est nommé à la capitainerie du Croisic et remplacé à Concarneau par Jean de l'Espervière, octobre 1406. En novembre 1425, Concarneau a pour capitaine Éon Foucault, seigneur de l'Escouloarn. Il part de Concarneau pour joindre Richemont au siège fatal de Saint-James de Beuvron, 6 mars 1426. En montant sur le trône, François Ier se promettait de suivre la politique paternelle. Encouragé par son conseil, il se montre insensible aux prières et aux cajoleries de son oncle, le roi Charles VII. Il résiste aux exhortations quelque peu impérieuses de son oncle, le connétable, mais un jour, les Anglais le déterminent à la guerre. En pleine paix, ne se sont-ils pas emparés de Fougères? Ainsi, maladresse, ils vont payer cette félonie de la perte de la Normandie. 1449 et 1450, victoire de Formigny. Pierre II continue l'œuvre si heureusement entreprise par son frère. Le contingent breton décide la victoire à Castillon et la flotte bretonne bloque Bordeaux qui capitule. 1453. La guerre de Cent Ans est finie, mais sur terre seulement. Aucun traité ne garantit la paix et les hostilités continuent sur mer. La Normandie et la Bretagne sont surtout menacées. Mais le connétable, gouverneur de Normandie, a fait armer les côtes et en assure la garde. Les Anglais auront plus facilement prise sur les côtes de Bretagne que le roi a promis de défendre, mais qu'il ne défend pas. En août 1456, le duc se plaignait au roi des grands maux pilleries et dommages que les Anglais ont faits par la mer sur les pays et sujets de Bretagne. Et il ajoutait « La charge de la guerre et défense de la côte échut sur le duc et ses sujets sans que le roi lui fasse nul secours. » Un an plus tard, la flotte bretonne et la flotte anglaise forcent l'entrée de Sandwich, un des 5 ports, pillent la ville et ramènent à Honfleur 24 navires, dont 3 de guerre, 15 août 1457. Un tel exploit venge les pilleries passées, mais il va en provoquer d'autres. Un mois après, 22 septembre, la mort de Pierre II fait son oncle le connétable duc de Bretagne. Arthur III ne peut faire un pas hors du duché que les Anglais ne paraissent sur les côtes bretonnes. J'ai dit plus haut qu'en février 1458, pendant une absence d'Arthur, 2 débarquements furent tentés simultanément à Bourgneuf et vers Saint-Malo. On ne voit pas que rien a été tenté sur Concarneau, mais sans doute les veilleurs virent plus d'une fois briller la nuit les feux allumés de proche en proche pour signaler l'approche de l'ennemi. Nous avons vu plus haut que les menaces des navires anglais avaient déterminé Pierre II à reconstruire la ceinture murale de Concarneau et que ce grand ouvrage, ordonné en 1451, commença sans retard. Vers le début des travaux, Jehan de Villeblanche était capitaine de Conques et Pierre II lui donnait l'ordre de tenir 30 lances en garnison dans la place. 1453-1455. En octobre 1457, le duc Arthur III donnait cette place à Hervé, sire de Juche, qui 2 mois plus tard, 6 décembre, a pour successeur Charles de Kenmer. Peu après, celui-ci est remplacé par Jean de Rohan, seigneur du Gué de Lille, qui prête serment le 14 janvier 1458. Jean de Rohan gardera longtemps cette charge qui pour lui ne sera pas une sinécure. Nous pouvons en dire quelques mots. Jean de Rohan était fils de Marie de Rostrenen, seconde fille de Pierre VIII, le vaillant lieutenant du connétable de Richemont qui détermina l'heureux combat de Patay et devenu gouverneur de Paris, y mourut en 1448. Le seigneur du Gué de Lille fut en même temps seigneur de la Chastaigneraie et de Pornic. Il fut écuyer et chambellan des ducs Pierre II et Arthur III et, en 1460, il eut le titre de grand fauconnier de Bretagne. Il mourut en 1493. Le grand fauconnier avait sa place marquée dans les listes des grands officiers du duché, mais Jean de Rohan a mérité une bien autre renommée, comme nous allons voir. Il semble que, dès 1477, il sentit le besoin du repos. Nous verrons le duc lui adjoindre un auxiliaire, ou s'il est permis d'employer cette expression, un coadjuteur, qui en 1480 allait lui succéder comme capitaine de Concarneau. Quelques années après, Jean de Rohan se démettait du signe de grand fauconnier, puisque, en 1487, nous voyons la charge aux mains d'un autre. En quittant Concarneau, 1480, Jean de Rohan se retira au Gué de Lille. Et nous pouvons nous figurer ce seigneur lettré lisant, et avec quelle joie, les premières pages imprimées en Bretagne et imprimées pour lui et chez lui. Il avait appelé au Gué de Lille Robin Fouquet et Jean Cresse, les 2 premiers imprimeurs qui aient travaillé en Bretagne. et il les installa dans sa seigneurie à Bréhan-Loudéac. Ils imprimèrent là en 1484-85. C'est ainsi que Jean de Rohan a mérité le titre qui le met hors de pair de premier introducteur de l'art typographique en Bretagne. François II, 1458-1488. Aux premières années de son règne, François II eut une vive alerte. Jean II, sire de Pont-l'Abbé et de Rostrenen, le fait avertir qu'une flotte anglaise longe les côtes de Cornouailles, semblant chercher un point où atterrir. Le duc grimpe au Concarneau et recommande à Jean de Rohan d'y faire bonne garde. Les menaces de l'ennemi semblent même assez sérieuses pour que toutes les places maritimes soient pourvues de munitions. Mais la guerre des Deux Roses détourna pour un temps les Anglais d'expédition en France. La scène change, ce n'est plus contre les Anglais, c'est contre les Français que le duc de Bretagne devra munir ses places. Louis XI est monté sur le trône le 21 juillet 1461. Pendant 20 ans, et jusqu'au jour où la maladie le menacera d'une fin prochaine, le roi va poursuivre la réunion à la France de la Bourgogne et de la Bretagne. Il ne semble pas, ou plutôt il ne veut pas voir la différente situation des deux duchés. La Bourgogne donnée en apanage peut un jour naturellement faire retour à la couronne. La Bretagne n'a pas été détachée du domaine royal, elle n'y fera donc jamais retour. Elle ne peut être réunie à la France que par conquête ou par le mariage de l'héritier de France avec l'héritière de Bretagne. Cette hypothèse ne pouvant se réaliser en ce moment, note, nous sommes en 1461, il ne naîtra au roi un fils Charles VIII qu'en 1470, et François II n'aura d'enfant habile à succéder que le 25 janvier 1477, naissance d'Anne de Bretagne. Fin de note. Le roi, qui ne sait pas attendre, va se mettre à l'œuvre. Il commencera par des chicanes de procédure, après il essaiera de la guerre. Enfin, il reviendra à ses armes ordinaires, l'astuce et la duplicité. Le devoir du duc est de défendre l'indépendance et tous les droits du duché. Et le devoir des seigneurs bretons est de soutenir leur prince et leur pays contre les tentatives d'un souverain qui pour eux doit être l'ennemi. Le devoir féodal de guerre a pour sanction la confiscation des fiefs qu'ils tiennent du duc. Mais plusieurs, et les premiers d'entre eux, sont seigneurs en France. Et à ce titre, ils doivent au roi le service de guerre sous la même peine de confiscation en France. Ainsi, les Penthièvre, Rohan, Rieux et Laval. Entre ces devoirs contradictoires, lequel choisiront-ils? Celui que leur dicte leur intérêt. Ils se diront, la France finira par avoir raison de la Bretagne. Servir le duc contre le roi, c'est encourir la confiscation en France. Après la guerre finie, cette confiscation cessera-t-elle? Question, servir le roi, c'est mériter la confiscation en Bretagne. Mais le roi, maître du duché, nous rendra nos seigneuries. Calcul égoïste auquel leur père n'avait pas songé. Quand les Anglais envahisseurs leur avaient demandé le serment au roi anglais, ils avaient répondu non en sacrifiant leur seigneurie. Mais ces temps héroïques sont passés. Au premier jour, le roi semble plein de bienveillance pour le duc. François II va saluer Louis XI à Tours et le roi, sans aucune observation, admet l'hommage du duc se tenant debout et ceint de l'épée. C'est l'hommage simple. Avant de repartir pour Paris, le roi, par civilité, veut rendre sa visite au duc à Nantes. Il poussera même par dévotion jusqu'à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon. L'abbé est vieux, très affaibli, et le roi va extorquer sa démission en faveur d'Arthur de Montauban, qui fut le premier auteur de la mort de Gilles de Bretagne. Le nouvel abbé de Saint-Sauveur sera une des âmes damnées dont le roi, cajolant en ce moment le duc, a besoin dans le duché. Arthur fut nommé par le pape, mal informé, 1463, mais le duc s'opposa à la prise de possession d'Arthur et rompit toutes ses mesures. Le coup est manqué, mais avant longtemps, le roi aura trouvé les affidés, les espions dont il a besoin dans le duché. Il en compte même dans la noblesse. Plus tard, il aura, comme nous verrons, ses faussaires et le plus habile qu'il puisse souhaiter. Les voies ainsi préparées, le roi peut commencer la guerre de chicane où il se promet la victoire. Il s'attaque au duc de Bretagne sur 3 points. Il lui dénie l'hommage des évêques à raison de leur temporel et le réclame pour lui, le roi. Il exige l'hommage lige à genoux. Il prétend que le duc renonce au titre de souverain seigneur et à la formule « duc par la grâce de Dieu ». Les ambassadeurs de François II refusent de discuter ces points et le roi les fait approuver par son conseil. Bien plus, il prétend les faire admettre par les États assemblés à Dinan en 1464. C'est un Breton, Jean II, de Pont-l'Abbé, qui présente aux États la requête impérieuse du roi. À ce moment, Charles de Bourgogne n'est encore que comte de Charolais, mais il mérite déjà le surnom de téméraire. Il entre avec empressement dans la querelle du duc de Bretagne. De là naît la Ligue du bien public, où vont entrer tous les plus grands seigneurs de France, dont Charles, frère du roi, est le chef nominal. Beaucoup de seigneurs s'armaient de mauvaise grâce. Un d'eux, et non des moindres, en même temps grand seigneur en France, refusa de suivre le duc. C'était Jean de Brosse, comte de Penthièvre, du chef de sa femme Nicole de Blois, arrière-petite-fille de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre. François II punit ce refus de service par la confiscation du comté, maladresse dont le roi saura profiter. Après la bataille indécise de Montlhéry, 16 juillet 1465, la paix est signée à Saint-Maur-les-Fossés, 29 octobre. Mais le roi l'exécutera mal, la guerre recommence avec diverses alternatives, l'armée française entre en Bretagne et le duc signe la paix à Ancenis, 1er septembre 1468. Charles de France meurt le 21 mai 1472. Le roi, libre de ce côté, reprend la guerre contre la Bretagne et s'empare de Machecoul, Ancenis et la Guerche. Le duc se met en défense. Il nomme lieutenant général le comte de Laval d'abord, puis le maréchal de Rieux avec de plein pouvoir. Le maréchal garnit les places, notamment Concarneau. Et Jean de Rohan reçoit ordre de s'y enfermer et de faire bonne garde. Quand l'armée française avait menacé la frontière, le duc, conseillé par le grand trésorier landais, se tourna vers l'Angleterre. Le moment est favorable. La victoire de Tewkesbury a mis fin à la guerre des Deux Roses, 4 mai 1471. Édouard IV, désormais assuré du trône, fait le meilleur accueil aux ouvertures du duc. Un traité s'ensuit. Peu après, le roi Édouard lui-même entre en France à l'appel de Charles le Téméraire et Louis XI signe la paix à Senlis. Le duc de Bretagne est compris dans le traité et il recouvre ses trois places, 9 octobre 1475. Toutefois, la confiance du duc n'était pas entière, puisque, en ce même temps, comme nous l'avons vu, il prescrivait à Concarneau de nouveaux travaux qui furent achevés avant le 28 mai 1476. L'année suivante, le 5 janvier 1477, Charles Téméraire était tué devant Nancy. Le duc était sans allié en France, et en même temps, fâcheux présage, il se voyait menacé même en Bretagne. Le 17 février, un parti français tentait l'escalade des murailles de Concarneau. L'auteur des essais donne quelques détails sur cette affaire. Ce fut dans la nuit du 17 février de l'an 1476-1477 qu'un parti breton attaché à Louis XI se présenta avec des échelles pour surprendre la place. Mais les sentinelles donnèrent l'alarme et l'ennemi se retira en désordre. La tentative a manqué, mais cet acte de guerre, exécuté en pleine paix, peut en faire présager d'autres qui pourraient réussir. L'avertissement n'est pas perdu. Dès le 20 février, le duc ordonne la construction d'un nouveau boulevard à Concarneau et adjoint Yvon de Tréhana et Henri de Quélen au capitaine Jean de Rohan. Mais cette construction prendra du temps. Le duc aurait-il quelque avis d'une seconde tentative sur Concarneau? On le dirait quand on le voit le 21 mars, supposant qu'on veut surprendre la place de Concarneau, mander à Yvon de Tréhana de s'y transporter incessamment pour sa conservation. Le 11 mars, un mandement du duc avait ordonné aux paysans à trois lieues autour de Nantes de venir aider à creuser les fossés. Les habitants les plus riches de Rennes étaient invités à faire provision de blé, et dans les 9 évêchés, les capitaines des francs archers devaient tenir les montres de leur compagnie. Ainsi, le duc se prépare à une double guerre, à Rennes et à Nantes, contre une armée française. À Concarneau, contre des partis ennemis, des Bretons traîtres travaillant pour le roi et que le roi désavouerait s'il en était besoin. En ce danger, que fait le duc? Il continue ses relations avec Édouard d'Angleterre. Il suit les leçons de duplicité que lui a données Louis XI. Il a cru qu'il pouvait lutter d'astuce avec le roi. Il va perdre cette illusion. Au temps même du coup de main tenté sur Concarneau, le duc envoyait à Louis XI une ambassade dont le chef était le chancelier Chauvin, que le roi tenait en haute estime. Le 24 février, les ambassadeurs étaient en route. Ils ne feront aucune allusion à l'affaire de Concarneau. Messagers de paix, ils porteront au roi des assurances de dévouement. Les Bretons trouvèrent le roi en Artois. Sans rien vouloir entendre, Louis XI les fit arrêter et mettre en prison, les séparant les uns des autres. Après 12 jours, il se fit amener Chauvin, l'entretint longuement et d'un ton goguenard, puis tout à coup tirant de sa robe un paquet de lettres, « Tenez, portez cela à Beauneveu de Bretagne, et qu'il n'envoie plus de vers moi pour me dire que je le crois mon ami s'il ne se défait de tout point de ce roi d'Angleterre. » Dans le paquet, il y avait 12 lettres de François et 10 d'Édouard, faisant la preuve de leur alliance et de l'engagement pris par le roi de débarquer une armée à Calais à la première nouvelle de l'entrée d'une armée française en Bretagne. On peut se figurer l'émotion et la honte de François II. Il appelle Landais. Le soupçonnerait-il ? Landais se disculpe d'un mot et accuse son messager ordinaire, Maurice Brommel, auquel il avait toute confiance. Il allait partir chargé d'une lettre au roi d'Angleterre. On court après lui, on l'arrête au Port-Blanc où il attendait un vent favorable. Il est ramené au duc et confesse qu'il rencontrait à Cherbourg un habile homme aux gages du roi qui copiait les lettres du duc et du roi d'Angleterre. L'un et l'autre ne recevaient du messager que les pièces fabriquées, les originaux étaient remis à Louis XI. Ce manège durait depuis 2 ans et le messager l'aurait volontiers continué tant il était lucratif. Si la tentative de Louis XI sur Concarneau avait inquiété le duc, la découverte de sa propre félonie lui parut une cause de guerre. Il n'en fut rien. Louis XI se contenta d'une mesquine vengeance. Il se fit adjurer par arrêt du Parlement le comté d'Étampes. Le duc ne marqua pas de colère, et dès le mois de mai, il envoyait au roi une ambassade solennelle dont le chancelier Chauvin était encore le chef. Cette fois, l'accueil du roi fut excellent, et le 21 juillet 1477, un traité de paix, bien plus d'alliance offensive et défensive, était signé. Peu de temps après, le roi crut-il pouvoir, sans violer son serment, acquérir les prétendus droits de Nicole de Blois, comtesse de Penthièvre, à la couronne de Bretagne. Cette acquisition pouvait être l'indice d'une nouvelle guerre. 3 janvier 1480, puisque le roi s'engageait, dès qu'il serait maître du duché, à rendre le Penthièvre à la Vendresse en y adjoignant nombre de seigneuries. C'est sans doute contre ces éventualités que le duc songea à prémunir ses filles quand il promettait à Édouard III pour le prince de Galles sa fille Anne, alors âgée de 3 ans, et si elle mourait enfant, sa sœur cadette Isabelle. 10 mai 1480. En 1480, Léon de Tréhana, que nous avons vu associé à Jean de Rohan pour la défense de Concarneau, devenait capitaine de la place. Il allait y vivre en paix. Frappé d'apoplexie en 1481, Louis XI ne songeait plus qu'à prolonger sa vie. Il allait mourir le 30 août 1483. Le roi Édouard l'avait précédé le 9 avril. Il laissait 2 fils sous la tutelle de son frère Richard. On sait comment celui-ci fit égorger ses pupilles et usurpa le trône le 6 juillet 1484. Personne n'ignore les troubles soulevés en Bretagne par la rivalité du chancelier Chauvin et du trésorier Landais, rivalité qui devait finir par la mort de l'un et de l'autre, ni l'hostilité armée des seigneurs ennemis de Landais est devenue rebelles au duc. 5 d'entre eux se portent un acte de démence, et parmi eux Jean de Châlons, prince d'Orange, neveu propre de François II, et le maréchal de Rieux. Ils vont trouver Madame de Beaujeu, régente, et comme s'ils étaient chargés de parler au nom de la Bretagne, reconnaissent solennellement que François II mourant sans héritier mâle, le duché appartiendra au roi à bon et juste titre, comme cessionnaire des droits de Nicole de Blois. Vers le même temps, François II se crée de grosses difficultés en Angleterre et en France. Il avait donné asile à Henri Tudor, comte de Richemont, prétendant à titre d'héritier des Lancastres à la couronne d'Angleterre. Si le duc craignit à l'avènement violent de Richard III une rupture avec l'Angleterre, il fut vite rassuré. Richard lui accorda une paix dont une des conditions nous montre quelle était l'importance alors accordée à la forteresse de Concarneau. Les navires marchands d'Angleterre ne pourront entrer dans les petits havres, les avant-ports, de Saint-Malo, Brest et Conques, sans la permission des capitaines de ces places, de même que les Bretons n'entreront pas dans les trois ports d'Angleterre, dont l'un est Plymouth. Ce traité était signé le 22 juillet 1485. Le 22 août suivant, Richard perdait le trône et la vie à la bataille de Bosworth. Le comte de Richemont était roi sous le nom de Henri VII, et de ce côté le duc était rassuré. L'orage allait venir de la France.